إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 21 dans l'explication du livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim. C'est un livre qui est écrit par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et qui parle du sujet du fait que si tu veux suivre le droit chemin et être sur le chemin d'Allah, tu dois contredire et te distinguer des yani, gens de l'enfer. Et yani, le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné les gens de l'enfer qui ils sont, c'est les kuffars, yani, les non-croyants, parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Également les mushrikines, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des gens du livre, qui n'ont pas reçu de livre et de révélation, mais qui adorent des idoles, qui adorent des statues, qui adorent des anges, qui adorent des saints, qui adorent des créatures en dehors d'Allah, qui font du shirk. Donc ceux-là, ça fait partie des gens de l'enfer. Également ceux qui rejettent la foi en Allah, ou en ses messagers, ou en ses anges, ou en ses livres, ou un des piliers parmi les piliers de la foi, yani, ce sont eux aussi qui sont des gens de l'enfer. Et yani, les différents groupes parmi les kuffars, les bouddhistes, les hindous, les mushrikines, les gens de la jahiliya, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant l'islam, qui n'ont pas cru en aucun messager, qui étaient dans l'égarement, ils vivaient selon l'ignorance. On ne doit pas vivre comme eux, on ne doit pas les imiter, on ne doit pas les suivre. Et ce livre-là, c'est pour nous faire comprendre que le droit chemin, c'est de contredire ces gens-là. Juste pour vous donner un petit exemple, avant de rentrer dans la suite de qu'est-ce qu'on a commencé à expliquer dans le livre, c'est juste par rapport à une anecdote, qu'est-ce que j'ai ressenti ou vécu par rapport à l'islam, lorsque avant l'islam et après ma conversion à l'islam. Même avant l'islam, j'avais toujours l'impression du fait que, étant donné qu'on avait quand même été élevé dans la religion chrétienne, puis avec la Bible, on lisait la Bible avant l'islam, on avait même à l'époque l'impression ou le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans la société. On avait l'impression que la façon dont les gens ont vu dans cette société-là, c'est en contradiction avec les enseignements et les commandements d'Allah. Même quand on n'était pas musulman, on le savait et on le sentait. C'était quelque chose de réel. J'irais même jusqu'à dire que on avait l'impression même que si tu voulais vivre selon ce que Dieu nous a ordonné de suivre, il fallait presque vivre en faisant le contraire de ce que la société nous poussait à faire, dans certains cas. Du fait que la société pousse les hommes à toutes sortes de péchés, toutes sortes de désobéissances, toutes sortes de perversités, et on savait que toutes ces choses-là, c'est des choses que Allah déteste, que Allah a interdit. Pas seulement au prophète, pas seulement dans l'enseignement qui est venu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et dans la Sunna, mais également dans ce qui a été révélé aux messagers précédents, en Isa et Moussa et Ibrahim et tous les autres prophètes qui ont été envoyés par Allah. Ils ont tous interdit les choses mauvaises, ils ont tous ordonné les bonnes choses. Donc de vivre pour être sur le droit chemin, il faut à un moment donné que quelqu'un réalise que la façon dont tout le monde vit dans la société, c'est une façon qui est en contradiction avec le droit chemin que Allah nous a ordonné de suivre. Et il faut avoir le courage et la force et la détermination et le courage, la force, la détermination, la patience et l'endurance d'aller dans le sens contraire de tout le monde. D'aller dans le sens contraire de tout le monde. Même si la majorité des hommes vont dans l'autre sens, et ils sont convaincus et certains qu'ils sont dans la bonne direction, toi, tu réalises que tous ces gens-là, même si toi tu es toute seule, puis eux sont des millions, tu dis, vous êtes tous dans le mauvais chemin. Parce que le droit chemin, c'est le chemin d'Allah. Et tous les autres chemins, c'est des chemins d'égarement, c'est des chemins d'ignorance, c'est des chemins de passion. En fait, c'est ça que, on est en train d'expliquer ici. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين وبل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. Il dit, ce qu'ils suivent comme guidance, comme pratique, comme action, ça fait partie de la voie des non-croyants. Ça fait même partie de la voie des corrupteurs, des gens qui font la corruption et le désordre sur la terre. Et de ceux qui n'ont pas de science, c'est-à-dire qui ne savent pas. وَمَا يُقَدِّرُ عَدَمُ دِرَاجِهِ فِي الْعُمُومِ فَالنَّهْيُ ثَابِتٌ عَنْ جِنْسِهِ فَيَكُونُ مُفَارَقَةُ الْجِنْسِ بِالْكُلِّيَةِ أَقْرَبُ إِلَى تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَمُقَارَبَتُهُ مَظَنَّةُ وُقُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. Donc ici il explique le fait que il y a dans la religion, dans les textes du Coran et de la Sunna, il y a des choses que Allah nous interdit d'imiter, les kuffars. Il y a des versets et des hadiths qui nous interdisent de façon globale et générale d'imiter ceux qui n'ont pas de science, d'imiter les corrupteurs, de suivre les corrupteurs, de suivre ceux qui n'ont pas de science, de suivre les non-croyants, et ainsi de suite. Ça, c'est des versets généraux et qui nous interdisent de les suivre et de les imiter. On n'a pas le droit de les suivre, on n'a pas le droit de les imiter. Peu importe qui ils sont, peu importe le degré d'éducation qu'ils ont, peu importe leur richesse ou l'argent qu'ils ont, peu importe leur statut social, même s'ils sont plus beaux que nous, plus riches que nous, plus intelligents que nous, qu'ils ont plus de diplômes que nous, qu'ils ont plus de biens et d'argent que nous. Peu importe leur origine, peu importe leur couleur, peu importe leur apparence physique, peu importe leur force physique. Du moment qu'ils ne suivent pas la voie d'Allah, du moment qu'ils ne suivent pas le chemin d'Allah, du moment qu'ils sont en opposition avec la voie des messagers, on n'a pas le droit de les suivre. On n'a pas le droit de les imiter. Et si on les suit, et si on les imite, on suit des gens qui sont dans l'ignorance et dans l'égarement. C'est ce que ça veut dire. Et, il y a des choses qui sont interdites de façon générale dans l'imitation des koufars, et il y a des choses qui sont interdites de façon spécifique. Okay. Et ce qui n'est pas mentionné dans les textes spécifiques, il rentre dans la règle générale de l'interdiction. S'il y a des textes qui sont généraux, qui nous interdisent d'imiter les koufars, ça veut dire que on n'a pas le droit de les imiter dans tout. S'il y a des exemples de textes qui interdisent des choses spécifiques dans lesquelles on n'a pas le droit de les imiter, hein, des fois, il y a un verset qui va dire, par exemple, ou un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, distinguez-vous des juifs, hein, priez avec vos sandales. Eux, ils ne prient pas avec leurs sandales, par exemple. Ou distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens, distinguez-vous des majus. Eux, ils rasent leur barbe et ils laissent pousser leur moustache. Vous, laissez pousser vos barbes et coupez vos moustaches. Ça, c'est des choses spécifiques que Allah nous interdit d'imiter. Mais il y a d'autres choses qui sont spécifiques chez les koufars et les mouchriquins qui ne sont pas mentionnées de façon spécifique dans les interdictions des textes du Coran et de la Sunna. Mais même s'ils ne sont pas mentionnés, comme par exemple, ce n'est pas marqué dans le Coran et dans la Sunna de, comme par exemple, imitez pas les punks. Ou imitez pas, par exemple, imitez pas les gens qui suivent la mode de ceux qui sont, comment on dit, gothistes, ou qui suivent la mode hip-hop, ou qui font du reggae. C'est pas écrit dans le Coran de pas les suivre eux en particulier. Mais du moment qu'on voit que dans le Coran il y a des versets, il y a des hadiths qui nous interdisent d'imiter les koufars de façon générale, donc ça comprend tous ces groupes-là, même si c'est pas écrit spécifiquement. Tu comprends? Donc c'est ça que le cheikh explique. Et si tu t'écartes de l'imitation des koufars de façon générale, eh bien c'est certain que d'une façon ou d'une autre tu t'éloignes de ce qui t'a été interdit, hein? Et de les imiter, c'est, si tu les imites dans qu'est-ce qui n'a pas été interdit spécifiquement, mais tu risques de tomber dans quelque chose qui a été interdit. Pourquoi? Parce que même si c'est pas interdit dans un hadith spécifique ou dans un verset spécifique, mais quand même tu sais que si c'est quelque chose que les mouchriquins et les koufars font et que c'est un signe par lequel ils se distinguent, qu'il y a quelque chose d'interdit dans ce qu'ils font quand même. Il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Même si ce n'est pas mentionné dans le Coran et dans la Sunna, tu sais qu'il y a quelque chose qui est mauvais dedans. Parce que ce sont des koufars, et leur mode de vie est basé sur le kouf et le shirk, et donc automatiquement il y a quelque chose dans la façon dont ils font, dont ils vivent, il y a quelque chose dedans qui est mauvais, et si tu le fais, tu tombes dans qu'est-ce qui est haram, que tu le saches ou non. Donc j'ai pas besoin d'un hadith qui est détaillé pour dire que je dois pas imiter par exemple les punks ou les, je sais pas moi, les autres, hein, qui se mettent des clous dans la tête ou je sais pas quoi. Il y en a pour ça que ça c'est haram. Tu vois les gens maintenant dans la rue, ils se mettent des gros trous dans l'oreille, là. C'est comme des gros rouleaux. Ils rentrent ça dans leur oreille, puis quand son oreille est devenue assez étendue, ils mettent un plus gros encore. Après, ça devient tellement gros, tu vois que son oreille, là, il y a un gros trou comme large, comme un bracelet là, autour de son oreille. Yanni, tu vois un gros trou comme ça dans son oreille. Et puis, il marche comme ça. Et ça, à la base, c'est une imitation qu'ils font des tribus dans certains pays, des gens primitifs et aborigènes qui sont des mouchriquins, qui vivent dans le shirk et qui font ce genre de choses. Eux ici aujourd'hui, parce qu'ils se pensent intelligents, commencent à imiter ces gens-là, hein? Ils commencent à imiter ces gens-là. Et ils se font des gros trous dans les oreilles comme ça. Après, si quelqu'un l'arrache ou quelque chose comme ça, Yanni, ça, tu vois, son oreille, ça, le lobe de son oreille est déchiré ou quoi. Et quand il enlève le truc, ses oreilles, tu vois, ça pend comme si c'est tout mou, là. Yani, où est-ce qu'elle est la beauté là-dedans? Il y en a d'autres, dans d'autres pays, des tribus, eux, ils font un trou dans leurs lèvres, hein, ici, là, la lèvre d'en bas, et même des fois la lèvre d'en haut, ils mettent un petit morceau de bois, puis après, au fur et à mesure, ils en rajoutent un de plus en plus large. Et là, à la fin, ça devient tellement large. Il y en a d'autres, dans d'autres pays, c'est des cerceaux, des femmes, elles se mettent des cerceaux dans le cou, des petits colliers. À chaque année, ou je ne sais pas quand, à chaque année, ils en rajoutent un. À la fin, son cou devient tellement tendu, son cou devient tellement long, peut-être que, yani, ça va être 10 cm de long, son cou, ou plus. Si on enlève les cerceaux, sa tête va tomber. Son cou ne pourra plus retenir le poids de sa tête. Hein? Il y en a peut-être des koufars, bientôt, ils vont inventer cette mode. Ici au Canada, en Europe, tu vois, ils vont commencer à se mettre des cerceaux dans le cou. Ils vont avoir des coups de 10 cm, 15 cm. Hein? Ça, c'est sans parler des piercings, hein, et des autres trucs comme ça. Des tatouages. Aujourd'hui, tu vois, c'est devenu maintenant... C'est rare, tu trouves quelqu'un qui n'a pas des tatouages. Alors qu'à l'époque, ceux qui avaient des tatouages, c'était les prisonniers, puis les drogués, puis les criminels. Quand on voyait une personne âgée avec un tatou, on disait, oh, lui, là, c'est quelqu'un qui était dans le crime, qui était de mauvaise fréquentation. Aujourd'hui, non, c'est devenu normal. Tout le monde se fait des tatous. Un peu partout, n'importe où. Et n'importe quoi. Il y en a même sur tout le corps. Il y en a même qui vont même se faire des tatous, même dans le visage. Allah Mustaan. Est-ce qu'on a besoin des détails d'interdiction de toutes ces choses-là pour savoir que d'imiter ces gens-là, c'est haram? Non. Puisque de façon générale, on sait que Allah nous a interdit d'imiter les koufars et il nous a interdit de les suivre. Les gens d'ignorance, les gens du shirk, les gens du kufr, les gens qui ne vivent pas selon la voie des messagers, qui ne suivent pas l'exemple des messagers d'Allah et des prophètes d'Allah et de la révélation du Coran et de la Sunna, automatiquement tu sais que tu ne dois pas les imiter. Les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils ont reçu le livre, mais ils l'ont changé, ils l'ont falsifié, ou bien ils ont suivi leur passion. Donc on n'a pas le droit de les suivre, on n'a pas le droit de les imiter non plus, sinon on risque de tomber dans l'égarement nous aussi, comme eux sont tombés dans l'égarement. Et c'est pour ça qu'Allah nous met en garde contre eux, dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ça c'est pour faire comprendre ce point-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Qawluhu », il explique la parole d'Ibn Taymiyyah, il dit, « Qawluhu, wa ma hum alayhi min al-hadi, ay » أن ما عليه هؤلاء من الطريق والسلوك إنما هو سبيل المفسدين سواء كان ذلك في وقت موسى أو بعده وإن كانوا يزعمون أنهم مصلحون ولهذا قال جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فالإصلاح والصلاح إنما هو باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما ما خالف الكتاب والسنة فإنه إفساد وفساد. Donc Cheikh Al-Fawzan explique la parole de Ibn Taymiyyah. Il dit que ce que ces gens-là font, en fait, ça fait partie de la voie des non-croyants, la voix des gens qui font la corruption et le désordre sur la terre et qui n'ont pas de science. Et on a lu dans le dernier cours les versets dans lesquels Allah s'adresse à Moïse, s'adresse à Haroun, et il dit à tous les deux, ne suivez pas la voix des gens qui n'ont pas de science. Ne suivez pas la voix des gens qui font le désordre. Hein? Donc, ici le cheikh il dit, c'est-à-dire que la voie que ces gens-là suivent, les gens de l'ignorance, les gens de la mécréance, les gens de la corruption, c'est une voie de désordre. Peu importe que ce soit à l'époque de Moïse ou après. Ce n'est pas juste à l'époque de Moïse qu'il y avait des gens qui faisaient de la corruption et du désordre. Même après, même aujourd'hui, il y en a beaucoup encore. Et il dit, même si eux, ces gens-là qui font le désordre, s'imaginent qu'ils sont en train de faire de la réforme ou du bien, hein, et de faire ce qui est bon pour la société. Les gens d'égarement sont toujours en train de s'imaginer que ce qu'ils font, c'est ça qui est bon. Et c'est eux qui amènent le bien pour le monde. Hein. Regarde les kuffars aujourd'hui. Ils te ramènent des idées, des principes qui n'ont rien à voir avec ce qui vient d'Allah. Puis, ils te présentent ça comme si c'est ça la voie qu'il faut suivre, c'est ça le bien. Il faut être démocrate, il faut être laïque, il faut suivre la démocratie, il faut juger par les lois qui sont faites par les hommes. Hein. Il faut mettre les... Tout le monde à égalité, les hommes et les femmes, les ignorants et les savants, les pervers et les pieux. Tout ça, tout le monde est pareil, tout le monde est égal, pas de différence. Pas de différence entre l'ignorant et le savant. Hein? Pas de différence. L'ignorant et le savant, ça, ils valent la même chose. Si tu dis que l'ignorant et le savant valent la même chose, ça veut dire que tu es en train de rabaisser la science et l'importance de la science. Et tu es en train d'élever l'ignorance. Et donner plus d'importance à l'ignorance qu'à la science. Hein? Tu dis, la piété et la perversité et le crime, les deux sont égaux. Ça veut dire, pour toi, le mal, il n'a pas de valeur. Le bien n'a pas de valeur, le mal, c'est pas quelque chose de mauvais. Puisque pour toi, c'est la même chose que le mal. Tu le mets tout à égalité. Donc ça, c'est des exemples. C'est des gens qui font le désordre. Et ils prétendent qu'ils font de la réforme et du bien. Allah, il dit ça dans le Coran, il les a décrits, ces gens-là, c'est des hypocrites. Ils disent, Allah dit, et lorsqu'on leur dit à ces hypocrites ou à ces gens, ne faites pas de désordre sur la terre. Eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, nous ne sommes que des réformateurs. On est venu seulement pour faire du bien. On veut seulement faire le bien. Et Allah, il les réfute en disant, certes, ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Donc le cheikh, il dit que la réforme, c'est uniquement de la réforme, et c'est uniquement du bien, lorsque ça suit ce qui a été ramené dans le livre d'Allah et la sunna du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un dit je fais la réforme et qu'est-ce qu'il ramène, c'est en contradiction avec qu'est-ce qui est dans le Coran, en contradiction avec qu'est-ce qui est dans la sunna, ça veut dire que c'est du désordre qu'il fait, c'est pas de la réforme. Il prétend faire de la réforme, mais il est en train de faire du désordre sur la terre. Hein? Donc tout ce qui contredit le Coran et la sunna, c'est du désordre et de la corruption. Le cheikh, il dit ensuite, وقوله وما يقدر عدم اندراجه الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على أنواع منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد فأدلة الشرع على هذا النمط فليس بالضرورة أن يكون المنهي عنه منصوصا عليه بل يكون داخلا في عموم النهي فيتجنب المنصوص عليه وكذلك ما يدخل في عموم النهي وتتجنب المخالفة الكثيرة والقليلة فعلى المسلم أن يتجنبه أو أن يتنبه لهذا الأمر. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. Ça, c'est un point, c'est ça que le cheikh est en train d'expliquer, et ça qu'on a lu tout à l'heure et qu'on a donné des exemples pour faire comprendre qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer, c'est pour dire que dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas toutes les preuves qui sont égales ou qui sont pareilles. Dans les textes du Coran et de la Sunna, il y a différentes catégories de preuves. Et ça, c'est des choses que certaines personnes ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas étudié la charia. C'est pour ça que tu vois certains ignorants, quand ils parlent du Coran et de la Sunna, ils prennent un verset, ils le frappent contre un autre verset. où il prend un hadith, il le frappe contre un autre hadith, ou un verset contre un hadith. Et il dit, oh regarde, ce hadith contredit ce verset, ou ce verset contredit ce verset, ou ce hadith contredit ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Il ne connaît pas la charia, il ne comprend pas la charia parce qu'il n'a pas étudié. Ce n'est pas toutes les preuves et ce n'est pas tous les textes dans le Coran, dans la Sunna qui sont pareils. Le cheikh, il dit, il y a des textes qui sont clairs et explicites sur un sujet, hein, et qu'est-ce qu'on appelle, c'est qu'est-ce qu'on appelle an-nas. C'est apparent et clair, il ne peut avoir qu'un seul sens possible à ce verset-là. Il y a qu'est-ce qui est zahir, c'est-à-dire un texte qui a un sens qui est apparent, qui peut avoir d'autres, qui pourrait avoir d'autres sens, mais qui a un sens qui est plus apparent que les autres. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-zahir. Il y a qu'est-ce qui est un, c'est-à-dire des textes qui sont généraux, c'est-à-dire ces textes-là, ils englobent tout ce qui est dans une catégorie, hein, sont généraux. C'est des textes qui comprennent tout, sans exception. Il n'y a pas d'exception dans ces textes-là. Tout rentre dedans. Il y a d'autres textes qui sont spécifiques. C'est-à-dire, c'est pas toutes les catégories d'une chose qui rentre dedans. C'est juste une sorte particulière d'entre les sortes, d'entre les choses qui rentrent dans l'interdiction ou dans l'obligation. C'est pas toutes les catégories de cette ou toutes les sortes dans cette chose-là. C'est comme quelque chose qui est spécifique et particulier. Il y a qu'est-ce qui est mutlaq, c'est-à-dire général, de façon à ce que on dit que c'est pas restreint, sans condition et sans exception. Si je te dis par exemple, tu peux manger tous les bonbons sauf les rouges. Ça, c'est muqayyad, c'est restreint. Parce que j'ai restreint, j'ai limité. Qu'est-ce que tu peux manger en disant celle-là, tu ne peux pas le manger, donc ça, c'est limité. Mais si je te dis, tu peux manger toutes les couleurs de bonbons, donc ça devient mutlaq. Tu sais, tu peux prendre n'importe quel. Tu vois, donc il y a des textes qui sont muqayyad, il y a des textes qui sont mutlaq, il y a des textes qui sont am, il y a des textes qui sont khas, hein, il y a des textes qui sont un nas et d'autres qui sont zahir. Et qui connaît ces choses-là? C'est les ulama. C'est les ulama. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, nous, les ignorants, de rentrer dans le Coran et la Sunna pour commencer à faire des fatwas, commencer à faire des verdicts, commencer à juger dans qu'est-ce qui est halal et haram sans connaissance et sans compréhension et sans preuve. Si tu commences à prendre des versets, surtout quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, il n'a pas étudié usul al-fiqh, il ne connaît pas les qawa'id, il ne connaît rien, il n'a pas de base et de ilm, il n'a pas étudié avec les ulama. Il prend la traduction du Coran, il prend la traduction des hadiths ou de quelques hadiths. Puis là, il commence à dire, ah, mais ça c'est écrit dans le Coran, donc ça veut dire que ça c'est haram, ou ça c'est halal, et ça c'est ci, et ça c'est ça. Et il commence à donner des fatwas, il commence à détailler, il commence à argumenter avec les gens. Ça c'est la porte de l'égarement. Et tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que dans la charia, il y a des règles, il y a des principes, hein, que les ulama de l'islam, depuis les premiers siècles, depuis l'époque des sahaba, ont extrait, qui sont enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été compris par les sahaba et mis en application par les sahaba et hérités de génération en génération par les ulama de l'islam depuis l'époque des salaf jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle justement la compréhension et le manhaj des salaf pour comprendre les textes. Comment on comprend les textes? Il y a des groupes de bid'a qui sont apparus au cours de l'islam, c'est-à-dire au cours de l'histoire des musulmans et de l'islam, qui ont inventé des nouvelles méthodologies pour comprendre et interpréter le Coran et la Sunna. Et donc, ils vont te ramener toutes sortes de tafsir, toutes sortes d'interprétations, toutes sortes de compréhensions différentes. Je te donne un exemple. Il y a Ilm al-Kalam, qui est un exemple d'égarement. ceux qui nient les attributs d'Allah. Ils disent non, la main ça ne veut pas dire la main, les yeux d'Allah ça ne veut pas dire les yeux. Allah, quand il dit qu'il est au-dessus du trône, ça ne veut pas dire au-dessus. Et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple de déviation dans la méthodologie de la compréhension du Coran. Ils ont contredit les salafs. Mais il y a d'autres exemples aussi, comme les modernistes à notre époque. Ils te disent, par exemple, le porc, c'était haram avant, à l'époque du prophète, c'était interdit. Mais aujourd'hui, c'est halal. il y en a des égarés qui ont dit des choses comme ça. Et quand tu leur dis, mais pourquoi c'est halal? Ils disent, mais parce qu'à l'époque, les porcs, ils étaient sales, et on les nettoyait pas, on les gardait pas propres. Mais maintenant, on les met dans des endroits propres, et puis ils sont propres, donc à cause de ça, maintenant ça devient halal. Hein? Et pourtant, quand tu regardes dans le Coran, dans la Sunna, il n'y a rien qui dit que si le porc est propre, il devient halal. Si c'était le cas, Allah il l'aurait mentionné. Mais l'interdiction, elle est générale. Et donc, ça reste toujours interdit, jusqu'à la fin des temps, à moins d'une preuve. À moins d'une preuve qui vient spécifier que ça devient halal. Donc ça, c'est un exemple. Donc c'est pour ça c'est très important à comprendre. Et donc le cheikh il dit c'est pas obligatoire qu'il y ait un texte spécifique qui vienne. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est pas une condition qu'il y ait un texte spécifique pour nous interdire quelque chose dans la charia pour que ce soit haram. Du moment que la chose en question rentre dans les principes généraux et dans les interdictions générales de la charia, alors dans ce cas-là ça s'applique. C'est comme par exemple il y a des gens qui vont dire l'alcool c'est haram, mais la marijuana c'est pas haram. Et tu lui dis pourquoi? Il te dit parce que dans le Coran c'est l'alcool qui est interdit seulement, et il n'y a pas la mention de la marijuana ou de la cigarette. Ou bien des pilules comme ecstasy ou des choses comme ça, ou de l'opium ou de la cocaïne ou d'autres sortes de drogues. Alors ça c'est basé sur quoi? C'est basé sur l'idée que ils pensent que pour que quelque chose soit haram, il faut qu'il y ait un texte explicite qui interdit chaque chose de façon spécifique. Et c'est pas vrai. Parce que dans la charia, il y a des règles de base et des principes généraux qui font que lorsque certaines choses rentrent dans les caractéristiques et dans la description et dans les conditions d'une chose, eh bien, le même verdict peut s'appliquer à quelque chose même s'il n'y a pas un texte explicite à son sujet. Et les ulama ont dit par exemple que qu'est-ce qui fait que par exemple, l'alcool est interdit, c'est parce que l'alcool, c'est un intoxicant, et l'alcool, ça te fait perdre la conscience et la raison. Et donc, les ulama ont dit que tout ce qui rentre dans cette description-là, et qui a le même effet, eh bien, ça devient haram. Et même que certains ulama ont dit que, comme Ibn Taymiyyah, il a mentionné que, même que ces drogues-là, sont parfois même plus dangereuses que l'alcool. Plus dangereuses que l'alcool, à cause des effets qu'elles ont à long terme sur le comportement et le caractère. Et même que c'est prouvé que certaines de ces drogues-là ont des effets même sur la raison. Et certaines personnes deviennent, perdent la lucidité, ils deviennent schizophrènes. Et ça cause la schizophrénie, ça crée toutes sortes de psychoses, de toutes sortes de maladies psychologiques, ces drogues-là. Donc ça a un effet à long terme sur même la personnalité de la personne, le tempérament de la personne. Elle devient déséquilibrée psychologiquement à cause de ces drogues-là. Donc c'est plus grave et plus dangereux que l'alcool. Ça c'est, vous avez eu un accident? C'est ça, Abdul Hakim m'a dit. L'auto est brisée, ça y est? Ah, ok. Ah, ok, ok. Ah, alhamdulillah. Allah vous a protégé, donc alhamdulillah. Barakallahu fikum. Non. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas une condition qu'il y ait un texte qui interdise chaque imitation de façon spécifique. Si c'est des koufars et des mouchriquins, ou si c'est quelque chose qui rentre dans les principes, eh bien, ça devient haram, parce que, yani, c'est pas nécessaire qu'il y ait une preuve spécifique sur chaque interdiction, sur chaque ressemblance des koufars. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais le Coran et la Sunna nous ordonnent de demander aux hommes de science. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Donc si on retourne aux hommes de science, c'est parce que le Coran nous ordonne de retourner à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les ulama sont les héritiers des prophètes. Donc on n'a plus de prophètes aujourd'hui, mais les messagers ont hérité de les messagers ont laissé en héritage de la science, et ceux qui possèdent cette science sont les ulama. Et c'est à eux qu'on retourne pour poser nos questions et des choses de ce genre à notre époque. Et c'est eux qui connaissent comment extraire des textes les verdicts de la charia. Ils connaissent les règles et les principes. Et ils peuvent savoir ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est makrou, ce qui est mandoub, hein, ce qui est wajib, ce qui est mustahab, et ainsi de suite. Donc on continue. Le cheikh, il mentionne maintenant un verset qui est le verset 48 dans Surat Al-Ma'idah. Puis il va faire le Cheikh Al-Fawzan va faire le tafsir de ce verset. Ibn Taymiyyah a cité ce verset, il a cité aussi le verset qui suit, le verset 49 après. C'est des versets dans Surat Al-Ma'idah qui sont très très importants, qui renferment beaucoup de principes et de règles de compréhension que les musulmans doivent connaître et comprendre. Donc c'est bien beau de lire le Coran, mais si tu n'as pas la compréhension du Coran et de ce que ça signifie, yani, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens, ils envoient leurs enfants à l'école coranique pour mémoriser, c'est bien. Mais, et même des adultes aussi qui apprennent, ils mémorisent le Coran. Et des fois, ils viennent à la mosquée et disent, est-ce qu'on peut avoir des cours de Coran? C'est bien d'avoir des cours de Coran, mais les cours qu'on est en train de faire maintenant, ça c'est des cours de Coran aussi. Puisqu'on est en train d'expliquer la signification des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pas des cours de Coran, ça? C'est pas des cours de Coran, oui? Yani, le prophète Mohammed, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète arabe. Et le Coran, c'est un livre révélé en arabe. C'est écrit dans le Coran. Même Allah, il dit Coran en arabiyan. C'est un Coran en arabe. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que le prophète Muhammad, c'est un prophète arabe. Hein? Donc, il est venu à un peuple arabe au début. C'était son peuple. Il s'est adressé à eux dans leur langue. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au début de surat Ibrahim qu'il n'a pas envoyé un messager excepté dans la langue de son peuple. C'est normal. Tous les prophètes, dans la langue de leur peuple. Hein? Exactement. Il ne va pas envoyer un chinois à un peuple arabe ou un arabe à un peuple chinois. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et tout puissant. Donc il sait où envoyer quel messager et qu'est-ce qui est meilleur pour ce peuple. Mais après, ce peuple a la responsabilité de transmettre le message de ce messager-là à tous les autres peuples. Hein? Donc c'est un message universel. Et Ibn Taymiyyah il dit al-arabiyyatu min ad-din. Al-arabiyyatu min ad-din. C'est-à-dire que la langue arabe, ça fait partie de la religion. La langue arabe, ça fait partie de la religion. Il dit وَمَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبِ. Ce qui est nécessaire dans le but d'accomplir une obligation, ce qui en soi n'est pas une obligation, mais qui est nécessaire dans le but d'accomplir une obligation, et devient une obligation elle aussi. Tu comprends? D'accord. Donc, yani, si tu veux faire la salat c'est obligatoire. Hein? Puis, tu veux faire ta salat, tu es obligé de faire le wudu. Hein? Et donc, tu veux faire le wudu, tu n'as pas d'eau à proximité. Tu es obligé d'aller chercher de l'eau. À moins que tu sois dans le désert ou un endroit où il n'y a pas du tout de l'eau, tu peux faire tayammum. Mais sinon, s'il y a de l'eau, mais que toi, tu n'en as pas à ta disposition, ton obligation, c'est d'aller en chercher. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour accomplir une obligation devient une obligation aussi. Et pour comprendre le Coran, pour comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois connaître l'arabe. Donc, ça devient une obligation d'apprendre l'arabe. Mais, si tu ne peux pas l'apprendre tout de suite, ou si tu n'es pas capable de l'apprendre, ou parce que tu n'as pas de professeur, ou parce que tu n'as pas le moyen de l'apprendre, puis que tu te réfères à des traductions, ou à quelqu'un qui t'explique la signification, ça, en attendant, c'est quelque chose de correct, jusqu'à ce que tu sois capable de l'apprendre et de comprendre qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Parce que sinon, tu vois, ça devient comme qu'est-ce que font les chrétiens. Tu vois, les chrétiens, ils lisent tous une Bible dans une langue différente. Les Haïtiens, maintenant, ils ont même les Bibles en créole. Hein? Et le pasteur à l'église haïtienne, tu vois, il récite les passages de la Bible en créole. Et la Bible en créole. Dans les églises chinoises, la Bible en chinois. Dans les églises en grec, la Bible en grec. Dans les églises espagnoles, la Bible en espagnol. Si tu es grec, tu vas pas aller dans l'église espagnole. Si tu es italien, tu vas pas aller dans la Bible dans l'église haïtienne. Ça veut dire que tout le monde devient divisé. Exactement. Puis quand tu dis par exemple, avant, toutes les messes catholiques étaient en latin. Jésus a jamais parlé latin. Et même l'Ancien Testament ou le Nouveau n'a jamais été écrit en latin, révélé en latin. Mais c'est des traductions qui ont été faites, puis par la suite, c'est devenu en latin. Mais tu te dis, là, avant, les gens allaient à la messe, ils ne comprenaient rien. Hein? Tu peux dire, ah ben dans ce cas-là, à quoi ça sert? Donc, ils ont traduit toutes les messes dans différentes langues. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun, il ne peut pas aller dans l'église de l'autre. C'est-à-dire, pour eux, là, tout le monde est divisé maintenant. Pour les musulmans, non. Les musulmans, on récite le Coran en arabe, peu importe notre origine et notre langue. Et si on ne comprend pas, on essaie de l'apprendre pour le comprendre. Si on ne comprend pas, on fait des traductions. Mais la base reste toujours l'arabe. Donc, quand tu vas lire les textes, tu ne vas pas lire la traduction. Parce que la traduction, c'est la compréhension de quelqu'un. La traduction, c'est pas la traduction du Coran. La traduction, c'est la traduction du sens ou de l'interprétation du Coran. Et c'est pour ça que même en arabe, il y a des livres de tafsir. Et il y a plusieurs tafsirs, parfois pour un seul verset. Donc, est-ce que tu vas faire une traduction du Coran en français avec toutes les différentes tafsirs pour chaque verset? Ça va prendre des volumes et des volumes. Hein, de traduire toutes ces explications-là. Donc, il faut comprendre que quand tu lis la traduction, tu lis pas le Coran. Tu lis la compréhension et l'interprétation, une interprétation du Coran. D'accord? Et parfois, il y a plusieurs interprétations vraies et correctes d'un même verset. Plusieurs façons de comprendre un seul verset. Oui, il y en a, c'est possible. Et il y a aussi des fois des interprétations qui sont fausses. Il faut faire attention aussi à des fausses interprétations. Hein? Donc tout ça c'est pour comprendre que l'importance de retourner à l'arabe. Combien tu connais ou combien tu as rencontré dans ta vie de chrétiens qui lisent l'hébreu, l'araméen et le grec et qui le comprennent et qui le lisent normalement? combien parmi les haïtiens? Un seul. Bon, alors que le Coran, hein, alors que le Coran qui est en arabe, combien de musulmans t'as rencontré qui sont pas arabes mais qui lisent le Coran en arabe, hein, régulièrement, et qui sont capables de lire couramment le Coran? Combien? Il y en a beaucoup, hein? Abdul Karim, le frère ici, il sait lire en arabe, hein? Et il n'est pas converti depuis très très très longtemps. Salman, il sait lire en arabe. Le frère, hein, Abdul Malik, il sait lire en arabe. Ah ben, tu vois? Donc il faut voir autour de toi les frères, tu vois? Exactement. Tu connais la Fatiha? Tous les jeunes, ils connaissent la Fatiha. Tous ceux qui se convertissent, ils récitent la Fatiha en arabe. Hein? Et combien tu connais de chrétiens qui connaissent des versets de la Bible en araméen ou en hébreu et qui sont capables de le réciter? Hein? Zéro. Hein? Allah al-Musta'an. Non, et c'est une minorité de gens qui parlent cette langue-là, c'est presque une langue morte. Non, donc tout ça pour dire, par rapport à l'importance de l'arabe. L'arabe, c'est pas une langue morte, c'est une langue vivante, et qui est vivante depuis des siècles, grâce, justement, à la parole d'Allah. Parce que c'est le fait que les gens s'attachent à la parole d'Allah et à l'arabe, que l'arabe est resté. Sinon, l'arabe serait une langue morte comme le latin, comme les autres langues. Mais c'est le fait que les gens s'attachent à la révélation d'Allah et au Coran et au Hadith que l'arabe est resté. Donc les versets en question que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné, il dit qala subhana وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى قوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهونه. Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il cite donc ces deux versets-là. On va lire ensemble la traduction de ces versets. Les versets 48 et 49. Donc les versets qu'il a cités, c'est des versets qui signifient le verset 48, et sur toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour avoir le dessus sur lui. Wa muhaiminan alayhi. C'est-à-dire que le Coran, il est venu confirmer les livres avant, la Torah, l'Injil, et il est venu aussi pour avoir le dessus sur les autres livres. C'est-à-dire, il vient abroger les autres. Hein? Quelqu'un aujourd'hui ne peut pas dire ah, oh, mais moi je vais suivre la Torah ou je vais suivre l'Injil, je ne vais pas suivre le Coran seulement. Non, tu n'as pas le droit, parce que Allah il dit wa muhaiminan alayh. Wa muhaiminan, ça veut dire ça a pris le dessus, ça veut dire qu'est-ce qui est avant est abrogé par le Coran. Hein? Et il dit juge donc parmi eux, d'après ce que Allah a fait descendre, c'est-à-dire par le Coran. Et il dit, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Et si Allah avait voulu, Certes, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il veut vous éprouver dans ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah que, hein, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce que vous, de ce en quoi vous divergiez. Et dans le verset suivant, il dit « Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. » Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas « Prends garde qu'ils t'égarent de ce que Allah t'a révélé. » Il dit « Prends garde qu'ils essaient de t'égarer d'une partie de ce qu'on t'a révélé. » Hein? Ça veut dire, si on doit faire attention de nous faire égarer d'une partie, même si c'est tout petit, imagine, hein, de nous faire égarer de la révélation au complet. C'est encore plus grave. Donc, que ce soit, même si c'est une petite affaire que les koufars, ils viennent dire, écoutez, vous pouvez suivre votre religion, mais dans cette petite affaire-là, suivez pas le Coran et la Sunna. Écoutez-nous, suivez-nous. Hein? Vous pouvez suivre tout ce que vous voulez, hein? Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez dans l'islam, pratiquer votre religion. Mais dans ça et ça, juste ces deux petits points-là, hein? La façon comment vous agissez avec les femmes ou comment le voile, hein? Ça, mettez-le de côté. Suivez plus le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, prends garde qu'il ne cherche de te détourner d'une partie de ce qu'on a révélé sur toi. Hein? Donc ça veut dire, c'est pour nous mettre en garde que si c'est pas correct de nous laisser tenter ou de nous faire dévier d'une partie de la révélation, eh bien c'est encore plus grave si c'est de nous faire dévier de la révélation au complet. Attends. Le cheikh il dit, et de les suivre dans leur guidance. Ça fait partie de les suivre dans leurs actions et dans leur guidance, les juifs et les chrétiens, ça fait partie de suivre ce qu'ils désirent, de suivre leur passion. Ou c'est quelque chose qui montre que tu risques de tomber dans le fait de suivre leur passion et d'abandonner, hein, d'abandonner ce qu'ils suivent et ce qu'ils font et ce qu'ils pratiquent. C'est quelque chose qui va t'aider à t'éloigner et t'écarter de tout ce qu'ils, hein, suivent comme passion. Donc, si tu veux être sur le côté sûr et en sécurité dans ta religion et que tu ne veux pas t'égarer et tomber dans leurs égarements et dans leurs passions, alors dans ce cas-là, écarte-toi de tout ce qu'ils font comme pratique religieuse, hein, et comme ça tu vas être préservé. Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce verset-là, morceau par morceau, verset par verset, ou bien plutôt partie par partie. Et c'est un tafsir vraiment intéressant. On va finir, donc c'est ça qu'on va lire jusqu'à la fin du cours maintenant. Inch'Allah, on va essayer de le finir, l'explication de ces versets, de ces deux versets. Le Cheikh, il dit « Qawluhu wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan » لما ذكر لما ذكر الله عز وجل قبل هذه الآية التوراة التي أنزلها على موسى كلمه مدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائرة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه وشرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله يعني سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان نزوله كما أخبرت به مما زادهما صدقا عند حامليها ومن ذوي البصائر انقادوا لامر الله واتبعوا شعائره شرائعه وصدقوا رسل الله. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, et nous avons fait descendre sur toi le livre en vérité, en toute vérité, qui vient musaddiqan, c'est-à-dire pour confirmer qu'est-ce qui était révélé auparavant, les livres précédents. Donc le cheikh il dit dans les versets précédents, avant ce verset-là, le verset qui est venu avant, Allah a fait l'éloge de la Torah. Il parle, avant ce verset, il parle de la Torah qui a été révélée sur Moïse, hein, celui à qui Allah a parlé. On l'appelle Kalimullah, parce que Allah a parlé à Moïse. Et Allah fait l'éloge de la Torah. Et il leur ordonne de le suivre, du moment qu'elle était correcte à suivre. C'est-à-dire à l'époque où elle n'avait pas été falsifiée, puis à l'époque où le messager n'avait pas été encore envoyé. Ensuite, il parle de l'Injil. Et il mentionne l'Injil avec sa glorification et l'ordre pour les gens qui prétendent croire à l'Injil de l'établir et de suivre ce qui est dedans. Puis ensuite, il mentionne le Coran al-Karim qui a été révélé sur son serviteur et son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, et vers toi nous avons fait descendre le livre en toute vérité. C'est-à-dire, en toute vérité et en véracité. Il n'y a pas de doute que ce livre vient d'Allah et il vient confirmer les livres précédents. Les livres qui étaient révélés avant. Et ça veut dire que yani, puisqu'il vient glorifier et confirmer les livres précédents, il dit que yani, il y a une glorification et une glorification pour les livres précédents. Et dans les livres précédents, il y avait la mention que ce livre allait être révélé sur un prophète qui allait venir après, hein, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la venue de ce livre avait été annoncée auparavant. Et donc quand Allah a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça a augmenté la véracité des livres précédents aussi, puisque ça vient confirmer la prophétie qui avait été donnée que le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allaient venir. Donc ceux d'entre eux, parmi ceux qui portaient la Torah et l'Injil, qui se sont soumis à l'ordre d'Allah et qui ont suivi sa législation et qui ont cru en le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux ils ont augmenté en foi et en conviction. Il dit wa qawluhu wa muhaiminan alayhi ay ala al-kutub as-sabiqati yubayyin as-sahih alladhi lam yughayyar ويبين المحرف وعليكم السلام ورحمة الله وكذلك المنسوخ الذي أوقف العمل به بحكم جديد. Donc il dit le verset 48 dans sourate Al-Ma'ida que le Coran il est muhaiminan ala ma sabaq, c'est-à-dire que le Coran Il vient corriger ce qui a été falsifié dans les livres précédents. Et il vient mentionner ou abroger yani, ce qui a été révélé auparavant. D'accord ? Avec un nouveau verdict et des nouvelles règles. Après, il dit « Wa qawluhu fahkum baynahum bima anzalallah » أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس جميعا ومنهم اليهود والنصارى بما أنزل الله من الكتاب والسنة فالحكم بين الناس إنما يكون بالشرع لا يكون بالقوانين ولا بالأنظمة البشرية وبالعادات ولا أعراف القبلية وأحكام الجاهلية وإنما يكون بالشرع المنزل على عبده ورسوله لأنه هو الكفيل بمصالح العباد وقطع النزاع وصلاح القلوب ورد المظالم فكتاب الله كفيل بذلك كله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit: juge donc entre eux selon le livre d'Allah, selon ce que Allah a révélé. Il dit que Allah ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de juger entre tous les hommes, et parmi eux les juifs et les chrétiens, selon ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Et donc il ordonne de juger entre les hommes, et le jugement doit uniquement être selon la révélation et la législation divine, et non pas par les lois fabriquées par les êtres humains, inventées par les hommes, peu importe dans lequel des systèmes inventés par les hommes, que ce soit le système démocratique ou laïque ou yani, n'importe quel autre système yani, dictatorial ou autre que les koufars ou que les êtres humains en général ont fabriqué ou inventé. Si quelqu'un juge selon des lois qu'il fabrique ou qu'il invente lui-même, ou selon des systèmes qui ont été inventés par les hommes, ou qu'il juge entre les autres, entre les êtres humains, selon les traditions, selon des coutumes, selon traditions tribales, ou des règles de la jahiliya, eh bien, tout ça c'est quelque chose qui est faux. Tout ça c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. On doit uniquement juger dans les questions qui ont rapport avec la vie et les serviteurs, et c'est pas seulement les jugements dans la religion, même les jugements dans les affaires de la dunya aussi. On doit juger selon qu'est-ce que Allah a révélé, hein? Non selon qu'est-ce que les êtres humains ont inventé comme loi. Il dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est garant de veiller aux intérêts des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui connaît mieux les êtres humains que lui. Et il n'y a personne qui connaît mieux que Allah ce qui convient et qui correspond aux besoins et au bien-être de ses créatures. Peu importe comment les êtres humains vont essayer ou tenter d'inventer ou de ramener des règles ou des lois pour se juger et se diriger les uns les autres, ils ne pourront jamais juger mieux que leur créateur. Et c'est obligatoire que dans leurs règles et dans leurs lois inventées, il y aura des injustices et des erreurs et des contradictions. Et c'est ça ce qu'on voit actuellement. Le cheikh, il dit ensuite: ثم قال سبحانه ولا تتبع أهواءهم فدل على أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه متحاكم إلى الهوى. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ne juge pas, hein, ou ne suis pas leur passion, ne suis pas leur ahwa, le pluriel de hawa qui veut dire la passion et les désirs, hein, parce que ceux qui le suivent, il n'y a pas de preuves dedans. Ce n'est pas des choses basées sur des preuves, ni des preuves rationnelles, ni des preuves logiques, scientifiques, ni des preuves de la révélation. C'est uniquement basé sur des passions et des désirs, hein? Vous comprenez la différence entre une preuve et des passions? Les passions, c'est quand tu dis moi je vais faire ça, et tu lui dis mais pourquoi? Il te dit, parce que j'ai envie de faire ça. C'est ça que je trouve bon. Tu lui dis, mais c'est quoi la preuve que qu'est-ce que tu fais, c'est ça qui est bon? Il dit, j'ai pas de preuve, mais c'est ça que je veux faire. Hein? C'est ça le hawa. Quelqu'un qui fait quelque chose, mais il n'a pas de preuve pour qu'est-ce qu'il fait. Il n'a pas de preuve, ni de la révélation du Coran, ni de la sunna authentique, et il n'a pas de preuve non plus même de la raison, ou de la logique, ou des preuves scientifiques, prouvable, observable par expérience scientifique. Aucune preuve. Ça s'appelle al-hawa. Hein? Et tous les mouchriquins sur la terre, peu importe leur diplôme ou leur degré d'éducation, quand ils adorent autre que Allah, ils suivent leur passion. quand tu vois quelqu'un qui se met à genoux devant une croix, à genoux devant une idole, ou prosterné devant un être humain ou un animal ou une image ou une étoile ou la lune ou le soleil, ou un arbre ou une roche ou une pierre ou une statue, ou un prophète ou un ange, ou peu importe qu'est-ce qu'il prend comme divinité en dehors d'Allah, tu lui dis, c'est quoi ta preuve? Qu'est-ce qui justifie que tu te prosternes ou que tu adores ou que tu invoques cette créature en dehors d'Allah et que tu abandonnes, tu laisses de côté le créateur des cieux et de la terre? C'est quoi ta preuve? C'est impossible qu'il ramène quelque chose comme preuve, ni de la révélation, ni de la raison, ni de la science. Impossible. Parce que tout ce qui est comme preuve rationnelle, ça prouve que Allah est unique et que c'est lui qui a créé tout et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et la révélation confirme que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Et tous les messagers et les prophètes ont appelé les hommes à cela. À partir de Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas un prophète parmi les prophètes d'Allah qui a dit aux hommes, vous pouvez adorer quelque chose d'autre que Allah, c'est permis. Il n'y en a aucun prophète qui a dit ça. Et il y a un verset dans sourate Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Demande à ceux qu'on a envoyés parmi les messagers avant toi, est-ce qu'on a donné à ces gens-là, ou est-ce qu'ils ont ordonné d'adorer une autre divinité en dehors de Allah, le tout miséricordieux, pour adorer? Est-ce qu'il y a un prophète qui est venu à un autre peuple avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à son peuple, vous pouvez adorer autre qu'Allah, c'est correct? Hein? S'il y en a un, amenez la preuve. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans le Coran, dans plusieurs versets, dans surat Al-Ahqaf par exemple, il dit, dit au Mohammed, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Que pensez-vous de ceux que vous adorez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Peu importe qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, est-ce qu'ils ont créé quelque chose? Même une mouche, ou même l'aile d'une mouche, hein? Peu importe qu'est-ce que vous adorez, Jésus, Marie, Joseph, hein? Les saints, les lois, les djinns, les anges, les prophètes, peu importe, est-ce qu'ils ont créé quelque chose dans l'univers, même une atome? Hein? Non. Donc il dit, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu, avec Allah? Est-ce que dans les cieux ils participent à quelque chose dans le contrôle de l'univers? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige de science, un restant de science, si vous êtes véridique. Hein? Donc ils ne sont pas capables. Donc c'est pour ça, c'est pour dire que tous ceux qui adorent quelque chose en dehors d'Allah, même s'ils prétendent que qu'est-ce qu'ils ont, ils ont une science pour le supporter ou une connaissance pour le supporter, c'est uniquement basé sur la passion. Et ça s'applique aussi aux gens de la bid'a. C'est-à-dire que même ceux qui sont à l'intérieur de la Ummah de l'Islam, qui sont musulmans, mais qui suivent des voies d'innovation et de bid'a, même s'ils prétendent qu'ils ont une preuve pour justifier ce qu'ils font, comme par exemple parmi ceux qui, dans les pays musulmans, adorent les tombes et adorent les morts, et ils écrivent des livres pour dire que oui, ça c'est pas du shirk, c'est correct d'adorer les prophètes et de prier aux tombes, de prier aux morts, ça c'est pas du shirk, c'est juste du respect envers les salihin. Ils essaient de justifier leur shirk. Il n'y a pas de preuve. Et tu les vois essayer de déformer le sens des versets du Coran et de ramener des hadiths fabriqués, ou même de déformer le sens des hadiths pour essayer de justifier d'adorer des morts et de prier à des morts et de faire le tawaf autour des tombes des morts et de les adorer en dehors d'Allah et de dire ça c'est pas du shirk, c'est du respect, c'est de l'amour envers les pieux. Alors que le respect et l'amour, de cette façon-là, c'est de l'adoration. Quand, par exemple, on a vu certains soufis, ils se prosternaient devant leur cheikh. Hein? Et il y avait une photo, même sur Internet, un des chouurs des Naqshbandi, hein? Son élève, un de ses fidèles, il se prosterne devant lui. Quand on a mis la photo, on a dit, ça c'est du shirk, de se prosterner devant un être humain. Il a dit, mais non, il ne se prosterne pas, il lui fait un massage dans ses pieds. Hein? Il dit, est-ce que tu as besoin de faire le sujoud pour faire un massage à quelqu'un dans ses pieds? Hein? Et un autre exemple, qu'est-ce qu'il disait? L'imam Ibn al-Qayyim, il disait, nous qu'est-ce qu'on fait? C'est pas, on ne se prosterne pas. On ne se prosterne pas à le cheikh. On fait juste mettre notre tête sur le sol devant le cheikh. C'est ça la définition du sujoud. Hein? Mais pour ne pas dire sujoud, pour ne pas montrer qu'ils sont coupables de ça, ils essaient de détourner le sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici, parce que c'est l'heure de la salat. Malheureusement, je n'ai pas de stylo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un stylo? Yani Allah musta'an, je me sens. Ah bon. Je vais juste écrire le numéro du cours. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah, la suite, Inch'Allah, au prochain cours. Wa fikum baraka, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين